Chapitre 9. Les chevaliers de la table ronde, Merlin, les scènes devant Garlotte, leur dernière défaite, retour des rois Ban et Bohor en Gaule. La nouvelle de la trêve conclue avec les 11 princes feudataires de la couronne de l'Ogre fut accueillie avec des transports de joie par le roi Artus, les rois Ban et Bohor, tous les chevaliers de la table ronde et de la reine. C'était le présage du départ des scènes. Le lendemain du jour où l'on en était informé, dans l'Ogre, trois chevaliers de la reine, Sagremor de Constantinople, Galéchin, fils du roi Nôtre de Garlo, et Dodinel le Sauvage, revêtirent leurs armes et sortirent de la ville dans l'intention de chevaucher vers la grande et profonde forêt voisine pour y chercher aventure et quelque occasion de prouesse. Sur leurs traces chevauchèrent aussitôt trois compagnons de la table ronde, couverts d'armes déguisées, désireux de rencontrer les chevaliers de la reine pour se mesurer avec eux et ressaisir l'avantage qu'ils avaient précédemment perdu. C'était Agravadin, frère de Lias le Vermeil d'Estramor, lequel eut depuis guerre avec le roi Artus, Manoval et Sinoron de Langre. « Entrons, si vous m'en croyez, » dit Manoval à ses deux compagnons, « dans cette forêt qu'on nomme à bon droit la forêt aventureuse. » La proposition est approuvée. Les trois compagnons prennent la voie la plus féconde en aventure, celle qui conduisait au château de l'Épine. Cependant, les chevaliers de la reine arrivaient au milieu de la forêt, dans une belle lande, où ils s'arrêtèrent pour reposer. La lande n'est pas seulement une terre inculte, mais une étendue de terre couverte d'herbes, de bruyères ou de mousses. « Pourquoi ? » dit alors Galéchin. « Messire Gauvin et ses frères ne sont-ils ici ? Nous irions réveiller les scènes. » »« La chevauchée, » reprit Dodinel, « serait dangereuse. Ces forêts n'ont pas de refuge. Nos chevaux y périraient de faim. » Ils en étaient là qu'en survinrent les trois compagnons de la table ronde, que leurs armes déguisées ne permirent pas de distinguer. « Connaissez-vous ces chevaliers ?» demanda Sagremor. « Non, » fit Galéchin. De l'autre côté, Agravadin disait « Je vois trois chevaliers qu'il y aurait plaisir à mettre à pied. Ils sont trois comme nous. Nous pouvons donc, sans félonie, nous mesurer. » Cependant, les chevaliers de la reine relassaient les haumes qu'ils avaient ôtés pour respirer le frais. Ils allaient continuer leur chemin quand les autres crient « Arrêtez-vous ! Il faut croiser le fer ou nous laisser vos chevaux !»« Comment ?» dit Sagremor, en tournant vers eux la tête de son cheval. « Vivez-vous du métier de larron ? S'il en est ainsi, quand nous sortirons de la forêt, vous pourrez faire tenir ce que vous aurez pris dans une bourse de poitevine. Et quand nous vinrons haut que nuit à l'hôtel, vous aurez petit à manger d'ouguin que vous emporterez de nous. » Manuscrit 749, folio 302. « Gardez-vous toutefois, » reprit Agravadin, « nous vous défions. » Les chevaux sentent aussitôt la pointe de l'éperon, et le glaive sous l'aisselle, l'écu devant la poitrine, on les aurait vus tous les six fondre l'un sur l'autre assez rudement pour trouer les écus, démailler les haubères. Agravadin brise sa lance sur le haubert de Sagremor, celui-ci enfonce le fer de la sienne si profondément dans les chairs de son adversaire que le sang en jaillit à gros bouillons. Cheval et cavalier roulent à terre. Agravadin se redresse en pied, tire l'épée du fourreau pour attendre Sagremor au retour de la passe. Sagremor descend, attache la bride de son cheval au bois de sa lance fichée en terre, tandis que le coursier d'Agravadin s'enfuit à travers bois. Le combat recommence entre eux, rude et violent. Sagremor gardant toujours l'avantage. « Chevalier, » dit-il, « rendez-vous, vous êtes mort. J'en suis bien loin, plus près que vous ne pensez. « Vous savez menacer, mais vous ne savez pas effrayer. C'est la coutume des fous de ne pas voir le danger quand ils pourraient le prévenir. » Et ils continuèrent l'un à frapper, l'autre à parer les coups de son mieux. Manoval et Sinoronde avaient en même temps attaqué Galéchin et Dodinel, et n'avaient pas été moins rudement reçus. Ils vidèrent les arçons, se relevèrent et poursuivirent, comme Agravadin, le combat avec l'épée. Après une heure de résistance, ils cédèrent du terrain et reculèrent, toujours en refusant d'avouer leur défaite. « Rendez-vous, chevalier !» criaient les autres. « Non, non, nous aimons mieux mourir !»« À leur aise !» dit Sagremor en frappant le haume d'Agravadin d'un coup qui ouvrit la coiffe du haubert et pénétra dans le haut du crâne. Galéchin et Dodinel tenaient de leur côté les deux autres chevaliers sous leurs genoux et, délaçant haumes et coiffes, se disposaient à leur trancher la tête. « quand survinrent Yvain, le fils du roi Urien, Queux le sénéchal et Giroflée, le fils de Dos de Carduel. Artus, averti par Merlin, les avait envoyés. « Assez, assez !» cria Yvain. « Moi et mes compagnons, nous répondons de ces trois chevaliers et nous ferons droit à ce que vous réclamerez. » Sagremort, reconnaissant Yvain, « J'y consens volontiers, sire. Il n'est rien que pour vous je ne fasse. » Les deux autres s'arrêtent également. Yvain, Queux et Giroflée descendent et blâment fort les trois chevaliers de la reine d'avoir jouté contre ceux de la table ronde. « Valait-il mieux, répond Sagremort, laisser nos chevaux à qui voulait les prendre? En aurions-nous plus d'honneur? En lèverions-nous plus haut la tête? Comment défendront leurs amis ceux qui ne sauront pas se défendre eux-mêmes? Si vous aviez demandé les noms, répliqua messire Yvain, vous n'auriez pas répondu à leur appel. Vous savez donc qui ils sont? Sans doute. Mieux vaudrait peut-être ne pas vous le dire. Celui que vous avez abattu est Agravadin des Vaux de Galaure. Les deux autres sont Manoval et Sinoronde. Ils ont, dit Dodinel, commencé la folie, et ils ont trouvé qui l'a continuée. Un fou toujours en rencontre d'autres. Laissez ces propos, interrompit Queux, que les chevaliers de la table ronde, s'ils trouvent bon de chercher querelle, aillent venger la mort de Fourré. Cela donna beaucoup à rire à tous, à l'exception des trois blessés que l'aventure couvrait de honte. Ils rentrèrent à l'ogre, les vaincus allèrent se faire ventouser et panser. Les autres se rendirent à la cour, où, après s'être désarmés chez la reine, ils prièrent Yvain de raconter ce qui était arrivé. « La querelle, dit le roi Artus, ne vient pas de la haine des uns contre les autres, mais du désir qu'ont tous les chevaliers de la table ronde d'emporter le prix de prouesse et d'honneur sur les compagnons de la reine. Afin de prévenir ces luttes, il sera bon de réunir les deux compagnies. Ainsi disparaîtra toute occasion de rivalité. C'est là ce que je ferai dès que nous serons délivrés des scènes. » On vient de voir, par l'avis donné au roi Artus de la rencontre des six chevaliers dans la forêt, que Merlin était revenu à la cour de l'ogre. En s'arrachant des bras de Viviane, il était passé en Northumberland pour dicter à Blaise le récit des aventures à compter du mariage d'Artus. Et, avant de quitter Blaise, il avait écrit sur des bandes de parchemin l'annonce des merveilles qui devaient accompagner la quête du Saint Graal. Les premières lettres disaient « C'est le commencement des aventures du pays de Bretagne, par lesquelles sera atterré le lion merveilleux. Elles seront mises à fin par un fils de roi, chaste et le meilleur chevalier du monde. » Merlin prit les bandes et les posa en croix sur tous les chemins qui devaient être le théâtre des aventures. Elles furent enlevées successivement par les chevaliers destinés à les mettre à fin. Et, ces belles précautions prises, Merlin était retourné en Gaule. Quelques heures lui avaient suffi pour passer du Northumberland dans la Petite-Bretagne. Il avait vu Léonce de Pernes et Farien, défenseurs du pays en l'absence des rois bandes de Bénoïc et Bohort de Gannes. En les avertissant de se préparer à passer la mer avec les forces qu'ils pourraient réunir, il leur avait prescrit de tracer sur leur bannière blanche une croix vermeille. Car c'est à Merlin que les anciennes légendes bretonnes et nos romanciers rapportaient l'origine des enseignes et armoiries. D'ailleurs, Léonce et Farien pouvaient s'éloigner des royaumes de Gannes et de Bénoïc. Le jeune Lambègue, neveu de Farien, Banin, le fils de Gratien, et Gorlier, le seigneur de la Haute-Mort, devant suffire, en leur absence, à la défense du pays. En prenant congé d'eux, Merlin avait encore donné quelques jours à sa chère Viviane. Puis il s'était rendu dans la terre de Lamballe, auparavant possédée par le roi Amant. Le sénéchal de ce prince en avait alors la garde. Il se nommait Nabunal. Toutes ces terres de Gaule promirent 60 000 hommes distribués en trois échelles qui durent passer la mer au premier signal de Merlin. Nabunal se promit de mener en Bretagne le jeune Cossangos de Lamballe, fils du malheureux roi Amant. C'était un bachelier beau, preux et hardi qui longtemps avait aimé la fille de Léodagan. Peut-être même l'eût-il épousé s'il eût été chevalier et si la guerre ne se fût pas élevée entre les deux rois. De son côté, Guenièvre l'avait en grande amitié. Il souhaitait de se revoir, et maintes fois s'envoyait de tendres messages. De Lamballe, Merlin s'était rendu chez Léodagan, qui s'était empressé de se mondre tous ses hommes et de les mettre à la disposition d'Artus. Cléodalis, le bon sénéchal, fut chargé de les conduire. C'est donc au retour de ses voyages que Merlin avait averti le roi Artus de la folle querelle faite par les chevaliers de la table ronde aux chevaliers de la reine. Peu de jours après, Artus donna le signal du départ pour le camp de Salisbury. Il fit en arrivant disposer des tentes sous les oliviers. Par les oliviers, dont il est si souvent parlé dans les anciens romans du nord de la France, il faut toujours entendre les saules. Que le sénéchal dressa la grande enseigne sur celle du roi. Le champ n'était blanc à la croix vermeille, ainsi que l'avait recommandé Merlin. Le dragon agitait sa queue flamboyante au-dessus de l'enseigne. On dut à Merlin le plan et l'ordonnance de la grande bataille. Mais avant tout, le roi Artus alla rendre visite à chacun des princes qui avaient répondu à son appel. Il en était beaucoup parmi ses alliés qui ne tenaient rien de lui et venaient à son aide pour l'amour de Dieu. « Sans eux, disait Merlin, vous ne pourriez délivrer des scènes l'île de Bretagne. Sachez que jamais tant de chevaliers ne seront assemblés dans cette plaine jusqu'au jour où le fils tuera le père et le père le fils. » Artus eut bien voulu recevoir l'explication de ces dernières paroles, mais Merlin refusa de lui en découvrir le véritable sens. Avant que l'ordre fût donné de quitter Salisbury, le jeune écuyer Eliezer de Listenois était allé trouver messire Gauvin pour lui rappeler le vœu qu'il avait fait d'être adoubé de sa main. Gauvin chargea Gaëriette de lui apporter des armes dignes d'un fils de roi. Mais le roi Pélès avait eu soin de placer dans les coffres d'Eliezer celles qu'il devait revêtir, et l'écuyer Lidonas les mit à la disposition de Gauvin. Elles étaient blanches, traversées d'une bande de sinople de bélic. Ce mot, employé fréquemment dans les livres de la table ronde, est interprété par Côte-Grave, rouge de Canabre. Peut-être répond-il plutôt à la forme de cloche, du mot anglais bélic. Ce serait alors la pièce héraldique nommée vert, variante, une bande de finor en bélic. Le haubert était à double maille, de là les noms de haubert d'oublier, très lisse. Fortement jointe et cependant si légère qu'elle n'eût pas fatigué un enfant de 9 ans. Guire et Gaëriette lui attachèrent les chausses et le revêtirent du haubert. Ils lacèrent ensuite une ventaille aussi blanche que neige. Cela fait, messire Gauvin lui ferma l'éperon droit et lui ceignit l'épée. Gaëriette lui chaussa l'éperon gauche, puis messire Gauvin dit en lui donnant la collée. « Tenez, doux amis, recevez de moi la chevalerie au nom et en l'honneur de Jésus-Christ, qui daigne vous accorder de maintenir et accroître la gloire de Sainte Église et la vôtre. » « Ainsi l'octroie notre Seigneur, » répondit Eliezer. Alors Guire et Gaëriette prirent par la main le nouvel adoubé et le menèrent en la chapelle du roi Artus. Ils y veillèrent la nuit jusqu'au lendemain après la messe. Le jour suivant, il y eut grand dîner à la table d'Artus. Messire Eliezer y fut placé entre les deux rois Ban et Bohor, puis une quintaine fut dressée. Le jeune prince y fit merveille, et chacun dit que, s'il vivait, il ne pouvait manquer d'être un des meilleurs chevaliers du monde. L'armée bretonne quitta Salisbury sous la garde de Merlin. On roula tentes et pavillons, on les transporta sur charrettes, on emplit les coffres et les malles. Les chevaliers montèrent sur les destriers, tous armés à l'exception des écus, haumes et lances que portèrent les écuyers. Au premier rang flottait l'enseigne blanche à la croix vermeille. En approchant du château de Garlot, la forteresse du roi nôtre, ils entendirent un grand bruit et de longs cris de détresse. C'était une échelle de 20 000 saines qui, partie quelques jours auparavant de la plaine de Clarence, avait déjà commencé le siège de Garlot. La reine de Garlot, n'attendant aucun secours contre les mécréants, avait pris le parti de sortir secrètement par une poterne. Accompagnée de son sénéchal, elle espérait gagner une maison nommée la Rescousse, où le roi Vortigern avait jadis trouvé un refuge contre la poursuite d'Hengist. Mais les scènes, avertis du projet de la reine, l'avaient suivie, avaient tué le fidèle sénéchal et la ramenaient captive. La reine de Garlot était sœur consanguine d'Artus et se nommait Blazine. Pour la délivrer, il fallut engager un grand combat. Eliezer y tua le roi Pignoras, Ban le roi Pincenard, Artus le roi Magloras. Gauvin avait suivi longtemps un vaillant scène qui frappait autour de lui, abattait bras, jambes et tête à chacun de ses coups. Il pressa Gringalet et le joignit. « Chevalier, dit-il, tu es vraiment de grande prouesse. Es-tu prince ou roi, comme semble le donner à penser tes armes et la hauteur de ton courage ?»« Oui, je veux bien te le dire. Je suis roi d'une contrée de Saxe. On me nomme Brandon, et mon oncle, le plus grand prince du monde, est le roi Argo d'Abran. » « En vous voyant, répondit Gauvin, j'ai deviné votre haute lignée et regretté que vous ne soyez pas chrétien. Si vous vouliez le devenir... « Je serais heureux de vous épargner. Non, plutôt mourir que changer ma loi. »« Il m'en pèse, » dit Gauvin. « J'aurais grandement aimé votre compagnie. » Alors il leva la grande épée Excalibur, et fit voler dans le pré la tête du roi Brandon. Les scènes prirent aussitôt la fuite. La reine Blazine fut délivrée, et la grande armée bretonne poursuivit sa marche vers Clarence. Ils furent encore arrêtés par d'autres rois saxons qui venaient d'apprendre la mauvaise issue du siège de Garlot. Une seconde mêlée coûta la vie à bien des chrétiens, mais au moins pouvons-nous remercier ici l'auteur d'avoir eu fort peu recours à la science surnaturelle de Merlin, à ses enchantements, à ses prestiges, pour assurer aux Bretons la victoire. Nous épargnerons cependant au lecteur tous les incidents de ces combats, la langue de nos jours ne conservant pas la vivacité, l'agrément qui semble, dans cet ordre de récit, appartenir à l'ancienne. Il nous suffira de rappeler le nom de ceux qui prirent la plus glorieuse part à la défaite des Seines. Dans la première bataille était le duc Escan de Cambénic, le roi Nôtre de Garlot et le roi Tradélinan de Norgal. Dans la seconde, les rois de Gannes, de Benoïc et les 100 chevaliers. Dans la troisième, le roi des lointaines îles Galeho, le roi Cléole et le duc Belay. Dans la quatrième, les rois Clarion de Northumberland, Bélinon de Sorgal, père de Dodinel, et le Varlet Cosengos. Cléodalis, sénéchal de Carmélide, les rois Caradoc d'Estrangor et Lot d'Orcanie conduisaient la cinquième. La sixième, Aguigueron, sénéchal du roi Clomadas, Hélin de la terre foraine, et Palénos, sénéchal des rois Pélès et Pélinor de l'Istenois. Enfin, la septième était conduite par le roi Artus. On y comptait le roi Brogor, Minoras, sénéchal du roi Lac, Messire Gauvin, ses frères et les chevaliers de la Table Ronde. Chacune de ces batailles se composait d'environ 30 000 guerriers, ce qui donne un ensemble de plus de 200 000 hommes. C'est assurément beaucoup pour le temps et pour le peuple breton. Les Bretons y perdirent peu de chevaliers renommés. La mort du sénéchal du duc Esco fut vengée sur le roi Salabris. Le roi Ban immola Margon, bouteiller du roi Sorbaré, et Sorbaré fut coupé en deux par Farien. Les Seines, obligés de lâcher le pied, se rapprochèrent de la mer où, trouvant les vaisseaux qui les avaient amenés, ils furent tout heureux de quitter la terre de Bretagne, sans attendre le roi Hargo d'Abran, qui tenait toujours Clarence assiégée. Avant d'arriver en vue du camp de ce prince, Merlin voulut parlementer avec les rois bretons. Il leur apprit, lui qui avait le secret de l'avenir, que la Bretagne resterait sous le joug des Seines tant que l'union et la concorde ne seraient pas rétablies entre eux et le roi Artus, leur suzerain naturel. Ces paroles du prophète furent accueillies par les murmures de quelques-uns et l'assentiment de la plupart. On consentit à la paix, à l'union générale. Tous ces rois, naguère ligués contre Artus, vinrent lui faire hommage, poser leurs mains dans les siennes et recevoir la nouvelle investiture de leur domaine. Dans le troisième et dernier combat livré sous les murs de Clarence, les chrétiens eurent affaire à une armée plus nombreuse encore. Les Seines n'en furent pas moins mises en déroute, et avant de regagner leur vaisseau, ils virent tomber la plupart de leurs rois. Des 20 qui avaient campé devant Clarence, 6 seulement parvinrent à échapper au glaive ou à l'épée des rois Artus, Ban et Bohor, de Gauvin, de ses frères, de Sagremor, de Lignel, de Galéchin et des chevaliers de la Table Ronde. Ces rois furent Argo d'Abran, Orient, Fausabré, Cornican, l'amiral Napin et Murgalan de Trabéam. Après cette victoire enfin décisive, le premier soin des rois bretons fut de rendre grâce à Dieu de l'appui qu'il avait daigné donner aux chrétiens. On ne saurait dire les richesses qu'on trouva dans le camp abandonné des mécréants. Amador et d'argent, drap de soie, splendides pavillons, belles armes, bons destriers. Artus en fit le partage général sans retenir la moindre chose, et de façon à contenter tout le monde. On fit inhumer les morts et panser les blessés pendant les 5 journées qu'on passa dans la ville de Clarence en fêtes et réjouissances. Au 6e jour, les princes qui avaient amené leurs hommes au roi Artus prirent congé. Pour Ban et Bohor, Lot, Messire Gauvin et les chevaliers de la Table Ronde, ils revinrent avec le roi Artus dans la ville de Camalot et furent reçus joyeusement par la reine Guenièvre. Merlin dit au roi, « Sire, maintenant que Dieu vous a donné victoire et que vous avez délivré la terre de Bretagne des Seines, vous pouvez donner congé aux rois Ban et Bohor, éloignés depuis si longtemps de leur domaine. Ils ont un furieux ennemi dans le roi Clodas de la déserte. J'entends les conduire jusqu'au rivage de la mer avant de mettre fin à d'autres affaires qui m'intéressent. » Artus les vit partir avec de grands regrets, tout en comprenant que les deux rois ne pouvaient plus longtemps oublier le soin de la terre qu'ils avaient à défendre. Ils arrivèrent la nuit même qui suivit leur départ devant le château des Mares, et là se place l'histoire racontée plus haut des amours de la fille du châtelain Agravadin le Noir avec le roi Ban et de la conception du bon bâtard Hector des Mares. Les deux rois rentrèrent dans leur domaine de Gan et de Benoïc. Leur reine, qui depuis si longtemps gémissait de leur absence, les accueillirent comme on peut penser. L'amour passager et involontaire du roi Ban pour la fille d'Agravadin ne l'empêchant pas d'aimer et honorer sa reine épousée. Quant à Merlin, il alla passer quelques jours dans les bras de sa chère Viviane, et de là revint à Maître Blaise, auquel il fit écrire tout ce qui était arrivé dans la Grande-Bretagne à partir de la Grande Assemblée de Salisbury. C'est ainsi que la connaissance nous en a été transmise et que nous avons pu vous le raconter.